France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Please welcome two-time Oscar nominee, John Travolta. Thank you. I love you. C'est certainement un moment surréaliste et embarrassant en 2014 qui restera dans les annales des Oscars. John Travolta qui s'avance sur scène et se trompe complètement sur le nom de l'artiste à annoncer devant un parterre de stars et de producteurs d'Hollywood. Au lieu de dire Idina Menzel, il dit... Ça n'empêchera pas la jeune femme de s'avancer sur scène et d'interpréter l'une des chansons les plus célèbres au monde, sauf de John Travolta. Extrait de la bande originale du film musical et dessin animé de Walt Disney, La Reine des Neiges. Let it go, let it go. Vous l'avez reconnu, la chanson s'appelle Let It Go, l'artiste donc Idina Menzel. Mais s'il vous plaît, ne résumez pas cette jeune actrice à ce seul tube qui empoisonne depuis 2 ans la tête des parents. Car Idina Menzel est une enfant de Broadway. Ce matin, c'est son visage et son nez aquilin avec de faux airs de la nouvelle Barbra Streisand que nous avons mis sur la grande affiche de la 42e rue, votre rendez-vous dominical autour de la comédie musicale. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez dit Barbra Streisand ? Funny. Did you hear that? Funny. Yeah. The guy said, honey, you're a funny girl. That's me. I just keep them in stitches. From sunny, when the laugh is over and the joke's on you, a girl ought to have a sense of humor. That's one thing you really need for sure. Sense of humor, that's one thing you really need for sure. Well, you're a funny girl. The fella said, a funny girl. Funny. How it ain't so funny. Funny girl. Don't you mean I don't? honey. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud of rain on my parade. Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'll march my band out, I'll beat my drum. And if I fanned out, your turn at bat, sir. At least I didn't fake it, ha, sir. I guess I didn't make it. But whether I'm the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy, and you see I gotta have my bite, sir. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march my heart to drummer. Don't bring around a cloud of rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One throw, that bell will go clang. High on the target and wham. One shot, one gunshot. Hey there, Toronto! Kiss today goodbye. The sweetness and the sorrow. Wish me luck the same to you. But I can't regret what I did for love. What I did for love. Gift was ours to borrow. It's as if we always knew. And I won't forget what I did for love. What I did for love. Tomorrow, we did what we had to do. En 2012, Idina Menzel en concert à Toronto avec le Kitchener-Waterloo Symphony sous la direction du génial compositeur et directeur musical Marvin Hamlisch. Et à l'instant, les deux mêmes, Idina Menzel, Marvin Hamlisch, à la Maison Blanche devant Barack Obama en 2010. Et cet extrait de A Chorus Line, la comédie musicale composée par Marvin Hamlisch, What I Did For Love. Voilà, sacrée personnalité que cette jeune femme, Idina Menzel, un coffre incroyable. Voilà ce que le New York Times écrit d'elle. Le son qu'elle crée lorsqu'elle chante par voix de poitrine est un registre haut de soprano. Et ce son, eh bien, c'est comme un cri primal intégré dans son être. Un son qui attire non seulement notre attention, mais insiste afin que nous soyons attentifs et l'écoutions. Le New York Times qui conclut, selon la chanson, la voix d'Idina Menzel peut sembler puérile et exigeante, ou grandiose et impériale. Cette voix, elle ne date pas d'hier. Écoutez-la dans ses tout premiers pas à Broadway en 1995, dans Rent, la comédie musicale de Jonathan Larson, qui adaptait la bohème de Puccini au XXe siècle, une époque où le sida faisait des ravages. C'est Idina Menzel qui a créé le rôle de Maureen, une lesbienne activiste qui avait de la voix. Last night, I had a dream. I found myself in a desert called Cyberland. It was hot. My canteen had sprung a leak and I was thirsty. Out of the abyss walked a cow, Elsie. I asked if she had anything to drink. She said, I'm forbidden to produce milk. In Cyberland we only drink Diet Coke. Diet Coke. Diet. She said, only thing to do is jump over the moon. They've closed everything real down, like barns and troughs and performance spaces, and replaced it all with lies and rules and virtual life, life, life. But there is a way out. Leap of faith, leap of faith, leap of faith, leap of faith. Only thing to do is jump over the moon. I gotta get out of here. It's like I'm being tied to the hood of a yellow rental truck, being packed in with fertilizer and fuel oil, pushed over a cliff by a suicidal Mickey Mouse. I've got to find a way to jump over the moon. Only thing to do is jump over the moon. Then a little bulldog entered. His name, we have learned, was Benny. And although he once had principles, he abandoned them to live as a lapdog to a wealthy daughter of the revolution. A 1, 2, 3, that's bull, he said. Ever since the cat took up the fiddle, that cow's been jumpy. The dish and the spoon were evicted from the table and eloped. She's had trouble with that milk and the moan ever since. Maybe it's a female thing. 'Cause who'd wanna leave Cyberland anyway? Walls ain't so bad. The dish and the spoon, for instance, they're down on their luck. They come knocking on my doghouse door and I say, not in my backyard, utensils! Go back to China! Speedy ball! The only way out is up! Elsie whispered to me. Still thirsty. Parched. Have some milk. And I lowered myself beneath her and held my mouth to her swollen udder and sucked the sweetest milk I had ever tasted. Climb on board, she said. And as a harvest moon rose over Cyberland, we reared back, we sprang into a gallop, leaping out of orbit, I awoke singing. Leap of faith, leap of faith, leap of faith, leap of faith. Only thing to do, only thing to do is jump, only thing to do is jump over the moon. Only thing to do is jump over the moon, over the moon, over the sir. Moo with me. Moo. Moo. Moo. Moo. Thank you. Don't you wanna land the role of a lifetime? Well, you better get down on one knee. 'Cause you could play the life of the party if you can pray with me. Who needs lovers? Not I. Who needs heaven above? For love, all I need is room to fight, hand in fisted glove. Point me to the sky, it's my turn to fly. Don't you wanna be the life of the party? Don't you wanna be the top of the heap? This is where the jamboree never ends. One up the counting friends instead of counting. pass the wine. Let the drinks pour. Let the crowds roar. Let the heavens wildly cheer. Till the sunrise brings the goodbyes, I'll be here. Never fear. Oh, who's it gonna be? The life of the party. Who's it gonna be now? King of the hill. Don't you wanna be there running the show until it's time to go, until it's time to kill? Don't you ever wanna be somebody to envy? Don't you wanna be good, loose and free? Well, you could be the life of the party if you were born. Idina Menzel, parfaite pour vous réveiller un dimanche matin. C'était en l'an 2000, The White Party, une comédie musicale d'Andrew Lipa adaptée d'un poème transgressif de 1928. Elle incarnait dans ce spectacle une prostituée de luxe dénommée Kate. C'était son deuxième spectacle à Broadway après être resté un an dans la production de Rent. Et juste auparavant, on entendait donc un extrait de Rent, Over the Moon. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Joli parcours hein, pour une débutante Idina Menzel. À l'époque de Rent, à seulement 25 ans, elle reçoit déjà, pour sa première fois à Broadway, sur les planches, une nomination aux Tony Awards. Idina Menzel, elle est née dans la banlieue de New York en 1971. Elle a un parcours classique au départ. Elle apprend le chant classique dès l'âge de 8 ans. Et puis elle s'essaie au lycée au jazz, au rhythm and blues. Et à 15 ans, gagne un peu d'argent en chantant dans les mariages, dans les bar mitzvahs. Pendant ce temps, elle s'inscrit aussi à une très bonne école d'art dramatique à Manhattan, la Tisch School of Arts. Et l'audition pour Rent, racontera-t-elle, arrive un peu par hasard, par la grâce d'un ami. Elle aura la chance, du coup, de pouvoir sculpter le rôle, son premier rôle de Maureen, et de pouvoir inspirer également le compositeur. Ça va devenir sa spécialité. Idina Menzel va reprendre très très rarement des rôles dans des comédies musicales classiques sur scène. Son truc, c'est la création de nouvelles œuvres, que ça passe ou que ça casse. Elle aura la chance de travailler avec des compositeurs qui écrivent sur mesure et n'hésite pas à rajouter des notes élevées qu'elle est capable, on l'a entendu, d'atteindre. En 2005, c'est au tour de Mike John Lacusa, auteur, compositeur et auteur de livret également, de lui créer sur mesure non pas un mais trois rôles dans une comédie musicale off-Broadway, See What I Wanna See, et ça jazz encore. Friday night down in Houston, in a spot called Bamboo Jacks. Everyone was doing the mambo and drinking golden Cadillacs. Sally was there with her daddy, but daddy was in a funk. Sally met up with and took a shine to a hunk from Podunk. And daddy cried, hey, what you doing, what you doing? Oh, what's he got, I don't got. All I see is American cheese. You'll melt when you get hot. And Sally said, I see what I want to see. I know what I want to know. I don't need you to tell me what's true. If you don't like it, daddy, you can I know what I want. just finished shooting a coffee commercial. National spot, a residual heaven. My boyfriend's on TV, a soap opera villain. We both live in splendor in Beverly Hills. The hills, the hills, the hills. Life could not have been sweeter. I love California. We celebrate sweeps month. Cocaine and vodka, drive through the mountains, laughing and speeding. The stars are so dazzling. The road spins and weaves. Our convertible Jaguar leaps off the mountain. Thank God I'm too stoned to be wearing my seatbelt. I crash and I tumble through cactus and sage, breaking my arm and my nose and my jaw and my neck. Ouch, right? So I wake up in surgery 10 hours later. My agent sends flowers. My boyfriend is missing. My face is disfigured. It's perfectly ruined. The star takes my picture. I'm news for a week. The agency cancels my coffee commercial. It's farewell, goodbye to residual heaven. Thank God for the morphine, thank God for my dealer, and for the vodka that mellows the coke. The coke, the coke, the coke, the coke, the coke, the coke. Yeah. I don't drink coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee. Idina Menzel, en 2005, dans See What I Wanna See, une comédie musicale, comme on dit, off-Broadway de Michael John Lacusa, en trois parties, inspirée de trois nouvelles de l'écrivain japonais, on a entendu les sonorités, Ryunosuke Akutagawa. Alors à l'instant, elle incarnait une actrice, Idina Menzel, qui exprimait tout son stress dans une chanson intitulée Coffee. Et puis auparavant, dans une autre nouvelle, elle interprétait, et donc c'était la première chanson qu'on a entendue, une femme mariée qui flirte avec un voleur meurtrier. On vient de le découvrir, la voix d'Idina Menzel peut aussi se faire plus douce. En voici d'autres exemples. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I gotta go away. Baby, it's cold outside. This evening has been, I'm hoping that you dropped so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like mine. My mother will start to worry. Beautiful, what's your My father hurry? Will be pacing the floor. Listen to that fireplace so roar. Really, I'd better scurry. Beautiful. Please don't hurry. Maybe just a half a drink more. I'll put some records on while I the pour. The neighbors might think, baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. To break this spell. I'll take your hat. Well, your thank hair you. Looks swell. I ought to say no, no, mind no, mind if sir. I move in At closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't say. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. You're very pushy, you know. I like to think of it as opportunistic. I simply must go. Baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has been How lucky that you so dropped in. Nice and warm. look out the window at that star. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is Gosh, vicious. Gosh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I gotta get home. Baby, you freeze out there. Say, lend me your comb. It's up to your knees out there. You've really been grand. I feel when I touch your but hand. But don't you see? How can you do this thing to There's me? There's bound to be a talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there'll be plenty implied. If you got pneumonia and I really can't stay. Get over that old lock. Baby, it's cold. Baby, it's cold. Another drink, then. Well, that took a lot of convincing. Before we looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. Smile, you were smiling then. But I can't remember where or when. Something that happened for the first time. They may be happening again. So it seems that we have met before and laughed before and loved before, but who knows where have we been? They seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before and loved before. But who knows where or deux reprises avec Idina Menzel, à l'instant avec son ex-mari sur scène en duo en 2012 à Toronto, Where or When de Richard Rodgers et Lawrence Hart, et puis auparavant Baby It's Cold Outside en duo avec Michael Bublé, une chanson de Frank Lesser. Mais voilà, c'est vrai que le point fort d'Idina Menzel, la Reine des Neiges, ce matin sur la grande affiche de la 42e rue de France Musique, c'est donc la puissance de sa voix. Et ce qui, avant la Reine des Neiges et Let It Go, va en faire une star, c'est un autre rôle qu'elle crée à Broadway en 2003. Wicked. Alors Wicked, c'est comme on dit un spin-off du Magicien d'Oz. Elle incarne la méchante sorcière verte et on découvre qui elle est. Elle est l'héroïne de ce spectacle. Elle le veut tellement ce rôle, Idina Menzel, qu'elle arrive à l'audition, raconte-t-elle, habillée toute de vert. Stephen Schwartz, le compositeur, la choisira et va créer sur mesure les chansons. La plus célèbre se nomme Defying Gravity. C'est vraiment un moment essentiel. Dans le spectacle, ça se déroule à la fin du premier acte. C'est le moment où la jeune fille étudiante, harcelée au collège, décide de prendre sa revanche et de laisser libre cours à ses pulsions. La chanson, eh bien, Stephen Schwartz raconte qu'il l'a, il nous le racontait au micro de 42e rue, qu'il avait rajouté exprès pour Idina Menzel des notes élevées, car il savait qu'elle était capable de les interpréter. La voici, cette chanson, en version symphonique avec l'incroyable coffre d'Idina Menzel, Defying Gravity. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. It's time to try defying gravity. Kissing me goodbye. I am defying gravity. I think I'll try defying gravity. And you can't pull me down. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I've lost. Well, if that's love, it comes in much too high a cause. I'd sooner die defying gravity. Kiss me goodbye. I'm defying gravity. I think I'll try defying gravity. And you can't pull me down. Our future is unlimited. And I've just had a vision almost like a prophecy. I know it sounds truly crazy, and true, the vision's hazy. But I swear, someday I'll be there is or was, is ever gonna bring me down. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. et Idina Menzel. Ce matin, dans ses interviews, elle explique son secret pour pouvoir interpréter une chanson pareille au rythme de 8 représentations par semaine, 6 jours sur 7, le rythme de Broadway. Je cite, « Un jour, si j'ai pris froid et je ne me sens pas bien, je peux improviser. Je prends la mélodie et je la fais aller quelque part où j'ai pas besoin d'atteindre les notes les plus élevées, en restant donc dans ma zone de confort. J'ai appris, raconte-t-elle, à improviser lors de mes prestations dans les mariages. Alors du coup, je me donne des notes après chaque représentation. A, B ou C. Ça veut dire que si je peux pas atteindre un soir les notes les plus hautes, les plus acrobatiques, bien je fais un show B. Ce qui reste vraiment une très belle version du spectacle. Et franchement, personne ne va se rendre compte que je ne suis pas monté aussi haut que j'aurais pu. Vous savez, comme les comédies musicales dans lesquelles je joue sont des créations, le public ne s'en rend pas compte. Et Idina Menzel de conclure, « Mon prof me disait tout le temps, n'aie pas l'impression que tu as raté. Fais de ton mieux et sois-en heureuse. Du coup, je ressens moins de pression. » En 2015, un peu après l'incroyable succès du dessin animé La Reine des Neiges, Idina Menzel crée à nouveau une comédie musicale. Ça s'intitulait If Then, très beau projet de deux Wonder Boys de Broadway, Tom Kitt, Brian Yorkey, partition pop-rock. Elle incarnait deux personnages, ou plutôt le même personnage, mais chacune qui a fait des choix différents à un moment de sa vie. Et du coup, on découvre sur scène deux trajectoires différentes. Là encore, elle mettait sa voix chaque soir à rude épreuve. How it starts, and here's how it ends. Two different hearts, maybe lovers or friends. No one knows the ways the long road bends. Once every day, your life starts again. No one can say just how or just when. Somehow the world turns inside out and then. What if you wonder, what if I always belonged in the city that moves me with people who thrill me? The marriage, the mortgage, I left them behind me before they could kill me. My plan was just perfect, courageous and daring to start my life new. Now I look at this morning, me to say, oh my God, what the hell did I do? I can do this, I know, I just need to take care. Be smart, self-sufficient, and hyper-aware. Cause I'm flirting with 40, there's no time to wait. And I can't help but feel I'm already too late. But tell me, what if I'm bound for disaster? What if I fall off the cliff? Will I ever just learn how to live? What if, do I go there with Lucas or stay here with Kate? Why do I do this, obsess and debate? I've been prudent and cautious for all my life long, and most of my choices turn out to be wrong. Tell me, how could this make any difference? How could it matter at all? How do I make such a major event out of something so small? Once every day, your life starts again. No one can say just how or just when. Somehow the world turns inside out and then. What if, you wonder, what if? See, each choice you make is a kind of a loss. Each turn that you take and each coin that you toss, you lose all the choices you don't get to make. You wonder about all the turns you don't take. So what if I'd gone there with Lucas? What if, and then what if I'd answered that phone? What if? Think of all of the things you'd have done if only you'd known. Here's how it starts, and here's how. What if I'd gone there with Lucas? Two different roads, and how each one bends. What if I stayed there with Kate? What if, et si, extrait de la comédie musicale il y a 3 ans, je crois, à l'affiche, à Broadway, qui s'intitulait If Then. Alors Idina Menzel est ensuite devenue célèbre aussi auprès du grand public qui n'habitait pas New York, grâce à sa participation à une série de télévision très populaire, une série musicale autour de jeunes d'une chorale d'un lycée qui s'intitule Glee. Et puis elle vient tout juste de faire sortir un nouvel album pop éloigné de Broadway, intitulé tout simplement Idina. Bon, peut-être qu'un jour, John Travolta finira par connaître son nom par cœur. Dans l'actualité des comédies musicales, tout d'abord, il y a cette semaine, le retour d'un classique, La Mélodie du Bonheur, est sorti il y a exactement 50 ans en France. Alors il ressort en version restaurée et ultra haute définition, un film tout aussi mythique dans le registre de la comédie musicale que West Side Story, réalisé d'ailleurs comme West Side Story par Robert Wise, un film qui reçoit 5 Oscars à l'époque, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Alors on ne se lasse pas de la voir courir dans les champs alpins, Julie Andrews. La voici non pas en 1966, mais en 1994, dans un concert où elle rendait hommage à la musique de Richard Rodgers. C'est avec le London Musicians Orchestra, sous la direction de Ian Fraser. Chime that flies from a church on a breeze. laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way. To sing through the night like a lark who is learning to pray. I go to the hills when my heart is lonely. I know I will hear what I've heard before. My heart will be Julie Andrews et la mélodie du bonheur, à revoir au cinéma depuis mercredi dernier. Dans l'actualité, il y a aussi une nouveauté et un autre événement. C'est la création à Londres, après New York, de la comédie musicale de David Bowie, Lazarus, et simultanément la sortie de l'album enregistré à New York. C'est en 2013 que David Bowie avait choisi d'adapter au théâtre le film dans lequel il jouait en 1976, L'homme qui venait d'ailleurs. Un film adapté d'un roman de Walter Stone Tevis, L'homme tombé du ciel. Il incarnait dans ce film Thomas Jerome Newton, un martien, qui arrivait sur Terre pour acheminer de l'eau sur sa planète et sauver sa famille. Pour cette pièce de théâtre, qui va devenir une comédie musicale, David Bowie accepte d'ouvrir, comme on dit, son catalogue de chansons. Et la pièce va être mise en scène par un metteur en scène néerlandais avant-gardiste, Ivo van Hove. On sait que David Bowie est décédé alors que le spectacle jouait à guichet fermé au Manhattan Theatre Workshop en janvier. On sait moins que l'album a été enregistré le jour même où on apprenait la disparition de l'auteur, compositeur, musicien. Le spectacle arrive cette semaine à Londres, au très novateur Charing Cross Theatre. C'est à deux pas de la gare de l'Eurostar et ça ne ressemble absolument pas à un théâtre. Il y aura le même casting, notamment Michael C. Hall, alias Dexter dans la série. Et c'est lui qui incarne le rôle de Lazarus. Je vous propose d'écouter une des chansons de cet album, parce que Bowie en a composé exprès quelques-unes. Voici donc un inédit, dans le spectacle, est interprété par la muse du héros, Sophia Anne Caruso, No Plan. there's no music here. I'm lost in streams of sound. Here am I nowhere now, no plan. Wherever I may go, just where. Un inédit signé David Bowie qui fait partie de ce nouvel album qui vient tout juste de sortir, extrait donc de la comédie musicale Lazarus, à découvrir si vous passez par Londres. Également cette comédie musicale sur scène, ça a lieu au Charing Cross Theatre. Plus d'informations bien sûr, les références des disques diffusés, le podcast de l'émission, mais aussi des précédentes. Durant un an, vous avez une adresse et une seule à connaître par cœur, c'est francemusique.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Je vous retrouve dimanche prochain pour notre prochain cabaret 42e rue. Nous serons en direct du studio 106 avec toute la troupe de l'Opéra de Katsu. C'est la nouvelle production de Jean Lacornerie, très prochainement à l'affiche à Lyon au théâtre de la Croix-Rousse. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, avec ce matin autour de moi Martine Moni, Cyril Vetojevic, Emmanuel Dupuis, Thibaut Nassimben et à la réalisation Perrine Minguy.